Jonathan Powell, exécuteur suprême de l'organisation, internationale de médiation et sa suite, sont arrivés le 13 à Pyongyang par avion.